Section 11, chapitre 31, 32, 33, 34. Chapitre 31, où l'on voit revenir Maître Loys, lévrier noir. C'est à peine si nous avons le temps de verser une larme sur le sort malheureux de Vincent Gueffès, normand. Il était maquignon comme ceux de son pays, il avait une mâchoire mémorable, il ne disait jamais ni oui ni non. Il possédait quelques teintures de philosophie éclectique, bien que cette gaie science ne fût point encore inventée. Il était païen, à l'instar de tous les beaux esprits. Il était même un peu voleur. En le quittant pour jamais, nous aimons à jeter ces quelques fleurs sur la tombe d'un homme qui, devançant le progrès, secoua si vite les préjugés idiots où croupissait son siècle. Cela dit, Vincent Gueffès, adieu. À deux ou trois reprises différentes, Méloir et ses hommes d'armes furent obligés de s'arrêter dans leur chasse devant des obstacles absolument pareils à celui que nous avons décrit naguère et qui fut la cause du tant regrettable trépas de maître Vincent Gueffès. Deux ou trois fois, la troupe fugitive s'était divisée, soit de parti pris, soit par l'effet du hasard. Suivant toute apparence, les émigrés du village de Saint-Jean et M. U avaient essayé de marcher ensemble et quelques incidents les avaient séparés. Ils s'étaient perdus dans la brume et se cherchaient peut-être. Mais le proverbe « chercher une aiguille dans une charretée de foin » est de beaucoup trop faible pour exprimer la folie qu'il y aurait à courir après un homme dans ces immenses ténèbres. Méloir et sa troupe avaient leur lévrier. Encore ne trouvaient-ils rien. Ils continuaient néanmoins la chasse. Désormais, Méloir ne pouvait plus reculer. Méloir avait passé la moitié de sa vie à se battre comme il faut. C'était une brave lance, mais ce n'était que cela. Les gens de cette espèce arrivent tout à coup au mal parce que leur bonne conduite ne fut jamais le résultat d'un principe. Si le hasard les sert, ils peuvent fournir la plus honorable carrière du monde et demeurer fermes jusqu'au bout dans le droit chemin parce qu'ils ne sont essentiellement ni vicieux ni méchants. Mais comme ils ne sont pas essentiellement bons et qu'ils n'ont d'autre mobile que l'intérêt humain, vous les voyez glisser aussitôt que leurs pieds touchent une pente facile, et dès qu'ils glissent, ils aident la pente. Leur sagesse menteuse érige en système le hasard de leur chute. S'ils ont déjà de la fange jusqu'à la ceinture, ils s'écrient « on a calomnié la fange ». La fange est un bon lit. C'est exprès que je suis dans la fange. Vive la fange ! Les chiens se détournent quand ils s'aperçoivent qu'ils font fausse route. Les hommes, non. Il y avait, au temps des druides dans l'Armor, un fou qui mettait une citrouille au bout d'une pique, et qui se prosternait devant cet emblème auguste en disant « Ceci est le soleil ». Les druides, qui n'entendaient pas la plaisanterie, invitèrent ce fou à rentrer dans le giron de Bélénus. Le fou ne voulut pas. Les druides le placèrent sur un tas de fagots qu'ils allumèrent. Le fou mourut comme un héros en criant à tue-tête « Imposteur ! Vous pouvez tuer mon corps, mais ma citrouille était bien le soleil. » Méloir avait regardé un jour ses cheveux, qui grisonnaient. Il s'était dit « Je veux un manoir, une femme, des vassaux, etc. » Il avait fait choix de ce triomphant moyen, expliqué par lui à Aubry de Kergariou, au début de ce récit, la terreur. Au fond, ce n'était qu'un épouvantail, l'escopette du mendiant espagnol qui n'a ni poudre ni balle. Mais à l'heure où nous sommes, Méloir avait chargé son arme jusqu'à la gueule. Il ne demandait pas mieux que de tuer. C'était un parfait coquin. Tant la logique est une irrésistible et belle chose. Posez les prémices, le diable tirera la conséquence. Ceci étant accepté qu'il fallait se venger d'Aubry, faire disparaître le vieux Morvert et s'emparer de Rennes à tout prix, le temps pressait. Méloir sentait que le terrain politique tremblait sous ses pas. Son zèle qui lui valait aujourd'hui la faveur du prince régnant pouvait, demain, le mener au supplice. Mais, en 1450 comme de nos jours, les esprits pratiques connaissent le mérite du fait accompli. « Ce qui est fait », dit l'odieux proverbe. Et croyez bien, sur 12 proverbes, il y en a 11 d'abominables. De même que sur 100 almanachs, ces évangiles de l'ignorance impie, il y a 99 turpitudes. Méloir pensait, si je me hâte, tout sera fini avant la mort du duc François. Je serai en possession de l'héritière et de l'héritage. On me montrera les dents peut-être, mais on ne mordra pas. Et allons, Rougeau, Tarot, allons, Natois, Grégeois, Pivois, Ardois, allons, Léopard et Finot. Le pauvre Noirot était couché là-bas sous la tangue, on ne l'appelait plus. Allons, bon chien, dressé à secourir les naufragés, en chasse, en chasse. Ils allaient, en vérité. Les chevaux ne quittaient pas le petit trot, les soudards couraient derrière. Les fugitifs ne pouvaient se soustraire désormais bien longtemps à cette poursuite acharnée. Il est même probable que sans les retards occasionnés par l'hésitation des livriers, aux endroits de la grève où les traces bifurquaient tout à coup, quelques traînards fussent tombés déjà au pouvoir des hommes d'armes. Voici cependant ce qui était advenu de M. U et de sa suite. Aubry s'était mis à la tête de la caravane lorsqu'il avait reconnu l'absence du petit Jeannin. Aubry ne savait guère son chemin dans les sables. Il allait droit devant lui, ce qui est quelquefois le mieux. Au bout d'une heure de marche, le bruit de la mer se fit entendre si distinctement qu'il n'y eut point à douter. Ils avaient fait fausse route. Rennes souffrait de sa blessure, la fatigue et le découragement venaient, et le brouillard ne diminuait point. La troupe se trouvait engagée dans cette partie des grèves qui est au nord-ouest du mont et où les mares abondent. En retournant sur ses pas, Aubry laissa fléchir vers le sud la ligne qu'il suivait. Ce n'était plus du sable, c'était de la marne délayée que la troupe avait sous les pieds. Pour éviter les mares à fond de lise, on faisait de nombreux circuits. Les uns passaient à droite, les autres à gauche. De temps en temps, un homme ou une femme se perdait. Une fois, Morvert appelait Rennes, qui ne répondit pas. Une horrible angoisse serra le cœur du vieillard. Et à dater de cet instant, tout fut confusion parmi les fugitifs. Chacun voulut chercher Rennes. On tourna, on perdit la voie, puis les groupes se détachèrent. Il y avait maintenant impossibilité de se rallier. Hugues de Morvert marchait avec son vieux vassal, Simon le Priol, qui tenait sa femme par la main. Fanchon pleurait à chaudes larmes, la pauvre femme, parce que ses deux enfants, Julien et Simonette, n'étaient plus là pour répondre à sa voix. Aubry allait tout seul, fou de douleur, courant dans cette nuit éclairée, sans but, sans direction, presque sans espoir. Les filles et les gars de Saint-Jean erraient çà et là à l'aventure. Dans la brume, tous ces différents groupes se croisaient maintenant sans se voir. Tout était à la débandade. Et la besogne des hommes d'armes du chevalier Méloir n'en valait pas mieux pour cela. Cette foule dispersée des fugitifs n'était bonne qu'à donner le change aux chasseurs. Aubry avait quitté ses compagnons depuis un quart d'heure lorsqu'il crut ouïr un bruit léger derrière lui. Il s'arrêta et colla son oreille contre la tangue. Son cœur battait bien fort. Mais quand il se releva, le rayon d'espoir qui brillait naguère à son front avait disparu. Ce bruit qu'il entendait, c'était le pas des chevaux de Méloir. Aubry chercha de quel côté il prendrait la fuite, car son premier besoin était de vivre afin de protéger Rennes. Les pas approchaient. Aubry pouvait ouïr déjà la voix des hommes d'armes. « Holà, disait Péan, qu'a-t-il donc ce brigand d'Ardois? Il va rompre sa laisse. »« Et Rougeau, répliquait Couetodon. « Ah ça, ils deviennent enragés, bellissant vos lévriers. »« Chut !» fit le veneur. « Ne voyez-vous pas qu'ils rencontrent ? J'ai de la peine à tenir ce grand diable de chien que j'ai acheté sur la route. »« Bellement, Reynaud, coquin, bellement. Le chevalier Méloir est-il là ?»« Messire Méloir !» appelèrent discrètement plusieurs voix. Messire Méloir était ailleurs, car il ne donna point de réponse. « Voilà qui est grand dommage, dit encore Bellissant, car je suis sûr que nous allons avoir un relancé. Bellement, Reynaud coquin, bellement !»« eh bien !» cria Corson, le héros. « Voilà Pivois qui m'entraîne. À bas, Pivois, à bas, de par le ciel !»« Bon, sa laisse est rompue dans ma main, et Dieu sait où le chien est à cette heure. » Pivois s'était élancé en poussant cet aboiement court et plaintif des lévriers de race qui ressemble au cri d'un sourd-muet. Les autres chiens se démenèrent avec fureur. Deux ou trois d'entre eux parvinrent successivement à rompre leur laisse et se précipitèrent en avant sur les traces de Pivois. Pivois était une belle et noble bête, nourrie dans l'héroïque chenil de Rieux. Gris de fer foncé, le museau pointu comme un poignard, le corps musculeux, les griffes tranchantes. En trois bonds, il fut auprès d'Aubry. C'était une sorte de tumulus ou renflement à peine sensible. Le brouillard y était moins opaque que dans les fonds. On distinguait parfaitement le sol. On voyait même à 3 pieds à la ronde. Au centre du mamelon, il y avait un poteau humide et gluant, couvert de mousse marine, et qui, à marée haute, indiquait le bas-fond aux petites barques des pêcheurs montois. Aubry s'était adossé contre ce poteau. Il avait à la main son épée nue. Dès l'instant où il avait entendu la conversation des hommes d'armes et senti, en quelque sorte, la fringale des chiens qui le flairaient, il avait dû renoncer à toute idée de fuir. Une seule ressource restait, le combat. Le combat se présentait certes bien inégal, mais Aubry avait foi en sa force, et ses soldats du vieux temps, 1 contre 10, ne désespéraient pas de la victoire. Tant que leurs doigts d'acier pressaient la croix d'une épée, ils taillaient de leur mieux. Il y avait ici quelque chose de plus terrible que les hommes. C'étaient les lévriers. Mais Aubry devinait que les hommes d'armes qui serraient la laisse de chaque chien au lieu de lâcher à la fois la meute tout entière. Il se disait « Ah, si j'avais seulement avec moi Maître Loïs, vrai Dieu, ce serait une belle équipée. 10 chiens pour Maître Loïs, 10 hommes pour moi, c'est notre mesure. » Mais, se reprenait-il en soupirant, « Pauvre Maître Loïs, où est-il ? » Une masse sombre saillit hors du brouillard. Aubry sentit une haleine de feu et son épaule saigna sous la griffe de Pivois. Mais Pivois tomba éventré d'un coup d'épée à bras raccourcis que lui donna Aubry. « Belle bête, murmura-t-il, c'est dommage. » Ardois, lancé comme une flèche, passa par-dessus le corps de Pivois. Aubry lui fendit la tête à la volée d'un coup de revers. Rougeot, magnifique animal, brun de côte à pèlerine rousse, avec 2 feux pourpres sous la paupière, roula sur ses 2 compagnons morts. Il avait le col tranché aux 3/4. « Vrai Dieu !» grondait Maître Aubry qui s'échauffait à la besogne. « Les hommes ne viendront-ils pas à la fin ?» Les hommes venaient. On entendait parfaitement le pas sourd des chevaux. Aubry vit la silhouette d'un cavalier qui passait à sa gauche, sans l'apercevoir. Comme il ouvrait la bouche pour l'appeler, car il était en train, il avait hâte de sentir une épée grincer contre la sienne, un 4e lévrier sortit du brouillard et fondit sur lui. « Énorme, celui-là !» Noir de la tête aux pieds. Beau comme on se représente les chiens fabuleux qui mènent l'éternelle course de Diane chasseresse. L'Achille des chiens. Il bondit littéralement par-dessus l'épée d'Aubry, tomba de l'autre côté, rebondit avant qu'Aubry eût le temps de faire volte-face et le saisit à la gorge. Mais non point pour l'étrangler. Oh non, pour le caresser plutôt, doucement et tendrement, comme l'épagneul favori vient mêler ses longues soies aux longs cheveux de la châtelaine aimée, pour le chérir, pour le baiser, en gémissant de joie. Loïs, maître Loïs, le grand, le fier, l'intrépide, l'Achille des chiens, on vous le dit. C'était lui que Bélissant avait acheté à Dinan par hasard pour remplacer le pauvre Ravot, mort de la poitrine. C'était lui qu'on appelait Reynaud, c'était maître Loïs. Écoutez, Aubry le baisa sur le museau comme un enfant, comme un ami. Aubry avait une larme à la paupière. « Seigneur Dieu, vous êtes avec moi » s'écria-t-il sans plus se cacher. « Grand merci, hardi Loïs !» Puis, donnant sa voix qui vibra comme un clairon dans la brume, « À moi, Taupin » ajouta-t-il, « à moi, traître maudit, Méloire, Péan, Couettodon, Corson et d'autres s'il y en a, venez, venez, venez !» Une clameur lointaine déjà répondit à cet appel. Aubry était dépassé. Il aurait pu éviter la lutte, mais ce n'était pas ce qu'il voulait. Pendant qu'il allait combattre, qui sait si Rennes n'aurait pas le temps de se sauver. C'était quelques minutes de gagner, le salut peut-être. Et puis, avec Maître Loïs, Aubry se croyait sûr de vaincre. Le pas des chevaux se rapprochait. Loïs se mit à côté de son maître, les jarrets ramassés, le museau dans le sable. Le nom de Rennes vint encore une fois aux lèvres d'Aubry, puis il serra sa bonne épée. « Hardi Loïs !» Il y eut tout à coup un grand cliquetis de fer. Le sable se rougit autour du vieux poteau vert de Goémon. Les chiens étranglés hurlèrent. Les hommes d'armes repoussés blasphémèrent. « Hardi Loïs ! Maître Loïs ! Ils sont à nous !» Chapitre 32. Le tube miraculeux. C'était un étrange combat. Aubry à pied avait, il faut le dire, tout l'avantage sur les hommes d'armes à cheval. Leste et jeune, Il se servait du brouillard comme d'une machine de guerre. Il avait quitté le mamelon où la brume était trop claire, et les hommes d'armes l'avaient suivi dans un fond sur la tangue molle, où les sabots de leur monture enfonçaient à chaque pas. Aubry était pour eux comme un fantôme qui paraissait à l'improviste, qui disparaissait tout à coup pour reparaître encore. Mais l'épée d'Aubry n'était pas un fantôme d'épée, elle taillait bel et bien, Péan le savait, Corson aussi, Kerbéel de même, car ils avaient tous les trois de profondes blessures. Le pauvre héros Corson grommelait « Le buffle de mon juste corps est devenu de gueule !»« L'épée haute, Corson, lui dit Kerbéel, ou bien on pourra blasonner le lieu où nous sommes. Du sable au corps de héros, couché de carnation, accompagné de quatre malandrins de même, acheva Corson plaintivement. » Kerbéel voulut répondre, mais Loïs, qui en avait fini avec Nantois, Léopard, Varro et les autres, s'élança sur lui, la gueule rouge, et le malmena cruellement. En même temps, Péan tombait, la gorge traversée par l'épée d'Aubry. « Hardi Loïs, maître Loïs, ils sont à nous !»« Cet homme est le diable !» s'écria Couétodon, qui donnait de grands coups de lance dans le vide. « Non pas, c'est le chien qui est le diable !» balbutia Kerbéel, désarçonné à demi. « Oh, mes compagnons !» pleura Corson. « Il n'y a pour nous ici ni profit ni gloire. Ce n'est pas celui-là que nous cherchons. Sus au vieux Morvert, et laissons ce ragot qui nous donne le change. » La vie était bon. « Sus, sus !» clama Kerbéel, enchanté de ce biais. « Sus, sus !» Et les éperons s'enfoncèrent dans le cuir des chevaux. En ce temps-là, les mots prenaient à l'occasion des significations très subtilement détournées. « Sus » voulait dire ici, sauf qui peut, mais la gloire était sauvegardée. Maître Loïs fournit encore une charge. Aubry se lança une dernière fois dans le brouillard, puis ils s'étendirent fraternellement l'un près de l'autre, haletant, harassé, mais vainqueur. Il était 9 heures du matin. Le soleil prenait de la force et pompait lentement le brouillard. Un vent léger venait du large, annonçant le flux. Le moment approchait où ce rideau immense qui cachait les grèves allait se déchirer. Soit qu'il s'évanouît subitement avec la prestesse d'un changement à vue, soit qu'il dût s'éclaircir peu à peu, faisant sa gaze de plus en plus transparente, découvrant les objets un à un et luttant jusqu'à la dernière seconde contre le jour enfin victorieux. Dans l'un et l'autre cas, les différentes troupes, dispersées sur les tangues, allaient se chercher à coup sûr, se voir et se combattre. Sur les rochers qui bordent le mont Saint-Michel, du côté de la Bretagne, une troupe d'hommes armés était rangée en bon ordre. À la tête de cette troupe, se trouvait un chevalier banneret, portant à son haubert l'écusson verré contre verré d'or et de sable des sires de Ligneville en Cotentin. Son petit bataillon et lui demeuraient immobiles, comme s'ils eussent été chargés de garder le mont contre une attaque prochaine. Vers 7 heures, Corson, Couétodon et les autres, qui avaient rallié une douzaine de soudards, suivaient dans la brume éclaircie la piste de M. Hugh de Morvert. Derrière la troupe cantonnée sur les rochers, l'étendard de Saint-Michel était planté en terre au-dessous de la bannière de France. Un coup de vent chassa la brume qui enveloppait encore la base du roc. On vit dans les sables un vieillard entouré de quelques femmes et de quelques paysans. Presque au même instant, les hommes d'armes de Méloire sortirent de la brume refermée. « En avant !» dit le sire de Ligneville. La bannière de France fit flotter au soleil ses longs plis d'argent. La troupe descendit sur la grève. Elle se mit entre les fugitifs et les hommes d'armes. « Que venez-vous quérir sur les domaines du roi ?» demanda M. de Ligneville. « Nous venons par la volonté de notre seigneur le duc, » répondit Corson, « quérir M. Hugh de Morvert, coupable de trahison. Et portez-vous licence de franchir la frontière ?»« De par Dieu, M. de Ligneville, » riposta Corson, quand notre seigneur François a sauvé votre sire des griffes de l'anglais, il a franchi la frontière sans licence. » Ligneville fit un geste. Ses soldats se rangèrent en bataille. Hugh de Morvert perça les rangs. « Messire, dit-il, si ces gens de Bretagne veulent s'en retourner chez eux en se contentant de ma personne et en laissant libres tous les pauvres paysans de mes anciens domaines, je suis prêt à me livrer en leurs mains. Donc, pour ceux... « Franchissez la rivière de Couesnon, messire, » répliqua Ligneville. « Sur la terre du roi, on ne se rend qu'au roi. » Le sire de Ligneville demanda ensuite au Breton « Qui est votre chef ?»« Kerbéel, Corson et Couetodon se consultèrent. « Notre chef est le chevalier Méloir, » dirent-ils. « J'ai entendu parler de ce chevalier Méloir, » répondit M. de Ligneville. « Dites-lui, pour l'honneur de la chevalerie, qu'il évite de passer à portée de ma lance, car M. l'abbé du Mont-Saint-Michel m'a donné l'ordre de le faire pendre. » Le rouge vint au front du vieux Morvert. « Par mon salut, messire, » s'écria-t-il, « le duc François l'a fait chevalier. Je vous prie de me faire raison de ce qui est une insulte à la duchesse de Bretagne tout entière. » « Allons, » disaient en riant les soldats du monastère, « voici le vieux chevalier qui va se mettre avec ses assassins contre nous. » Mais Ligneville avait pris la main de Morvert et l'avait serrée avec respect. « Si mes paroles vous ont causé de la colère, monsieur mon digne ami, avait-il dit, de grand cœur je rétracte mes paroles. Mais je ne vous laisserai point, ajouta-t-il en souriant, faire de l'héroïsme avec de pareils coquins. Ce serait jeter des perles aux animaux que vous savez. Monsieur Hugues de Morvert, vous êtes le prisonnier du roi. » Avant que le vieillard pût répondre, on l'avait saisi et conduit derrière les rangs. « Holà, maraudaille !» s'écria Ligneville avec rudesse. « Maintenant hors d'ici et vitement !» Il s'adressait ainsi aux hommes d'armes de Méloir. Ceux-ci pouvaient être en effet des gens de conscience large et peu délicats sur le choix de leur besogne, mais c'étaient des Bretons. Ligneville n'avait pas fini de parler qu'un carreau d'arbalète faisait sonner l'acier de son casque. Les Bretons chargèrent résolument et se firent tuer ou prendre tous jusqu'au dernier. Monsieur Hugues, cependant, avait demandé aux soldats du monastère si quelques fugitifs n'avaient point déjà touché le mont. Les réponses des soldats l'avaient à peu près rassuré sur le sort de sa fille, qui devait être en ce moment dans l'enceinte des murailles avec Aubry et les enfants de Simon le Priol. On monta la rampe, Aubry et le petit Jeannin, arrivés, en effet, les premiers au monastère, attendaient avec anxiété. Ils espéraient que Reine et Simonette étaient avec le gros de la troupe. Hélas, le pauvre Bruno avait l'oreille basse. Il était rentré au bercail et s'était mis à la disposition du frère pénitencier. Ils avaient causé tous deux discipline et bien sérieusement. Frère Bruno avait le bras gauche cassé, ce qui retardait l'exécution. « Mon frère Eustache, disait-il au pénitencier, « cela me rappelle l'histoire de Jacob Maltest, du bourg de Cesson, auprès de Rennes. Il était bien malade quand il fut condamné à la peine de la Harte. On lui fit prendre de bons remèdes, on le guérit, et puis on le pendit. » Heureusement pour Bruno que l'influence du duc de Bretagne était fort mince au monastère en ce moment, et que le secours apporté à M. Hugues de Morvert lui fut compté comme œuvre pie. Ce fut lui qui aperçut le premier M. Hugues gravissant la rampe. Il courut avertir Aubry, qui s'élança au-devant du vieillard. « Reine !» prononcèrent tous deux en même temps M. Hugues et Aubry. « Elle n'est pas au monastère ?» demanda le vieux chevalier. « Vous ne la ramenez pas ?» demanda Aubry à son tour. Ce fut un moment d'angoisse cruelle. Jeannin, l'heureux petit Jeannin, avait Simonette dans ses bras. Mais quand il entendit que Mademoiselle Reine était perdue, il s'arracha des bras de Simonette. « Je vais rentrer en grève, » dit-il. « La mer monte, il faut se hâter. » Morvert et Aubry avaient du froid dans les veines. Ce mot « la mer monte » les frappait au cœur. Aubry serra la main de Jeannin et lui dit « Viens avec moi. » Mais, au lieu de descendre à la grève, il gravit précipitamment la rampe et s'élança dans l'escalier de la salle des gardes. Jeannin et Bruno le suivaient. De la salle des gardes à la plateforme, il y a bien des marches. Aubry fut sur la plateforme en quelques secondes. Jeannin ne l'avait pas quitté d'une semelle, mais le frère Bruno soufflait encore dans les escaliers. « Ouf » disait-il, « ouf ! Cela me rappelle l'histoire de Jean Miolaine, le maître gantier, qui paria de monter au beffroi de Coutances pendant que Perrin Langérier, son compère, boirait une double pinte de vin d'Anjou. Ouf ! Ouf ! » Quand il arriva sur la plateforme, Aubry et Jeannin dévoraient déjà l'espace du regard. Le brouillard s'était levé, l'œil planait sur l'immensité des sables. Au nord-ouest, on voyait la ligne bleue de la mer qui montait. Sur la grève, rien. Rien, sinon un point sombre et perceptible à peine, qui se montrait de l'autre côté du Couesnon, à la hauteur du bourg de Saint-Georges. Aubry le désigna du doigt à Jeannin. « C'est trop loin, » dit le petit coquetier. « On ne peut pas savoir. » Puis il ajouta, « Dans 10 minutes, la mer couvrira ce point noir. » Aubry avait au front des gouttes de sueur glacées. Mais sœur Jean Connaud, le prieur des moines, qui est un savant physicien, murmura le frère Bruno, a ici près, dans le clocher, un tube de bois garni de verre. J'ai mis mon œil une fois dans ce tube et j'ai vu, n'est-ce point magie, j'ai vu les femmes de Cancale avec leurs coiffes et leurs gorgerettes plissées, comme si Cancale se fût avancée vers moi tout à coup, jusqu'au pied du mur à travers la mer. Ce bonhomme rêve, s'écria Aubry qui frappa du pied. Bruno s'élança vers le clocher et redescendit l'instant d'après avec une sorte de bâton creux formé d'anneaux cylindriques qui s'emboîtaient les uns dans les autres. Aubry mit son œil au hasard à l'une des extrémités. Il vit distinctement les vaches qui passaient sur le mondol à 4 lieues de là. Un cri de stupéfaction s'étouffa dans sa poitrine. Le tube fut dirigé vers le point sombre qui tranchait sur le sable étincelant. Cette fois, Aubry laissa tomber le tube et saisit sa poitrine à deux mains. « Reine, reine » dit-il, « Julien et Méloire !» Au risque de se briser le crâne, il se précipita à corps perdu dans l'escalier de la plateforme. Ceux qui le virent passer dans le réfectoire et traverser la salle de garde en courant le prirent pour un fou. Le cheval de Sire de Ligneville était attaché au bas de la rampe. Aubry sauta en selle sans dire une parole et piqua des deux. Bientôt, on put le voir galoper à fond de train sur la grève. Il tenait à la main la lance de Ligneville. Devant lui, un grand lévrier noir bondissait. Ils allaient, c'était un tourbillon. Jeannin avait dit « Dans 10 minutes, la mer couvrira ce point noir. » Ce point noir, c'était Rennes. Du sang aux éperons, hop, hop, Rennes et Méloire. Car pour Julien, Aubry avait vu, à l'aide du tube, l'épée de Méloire se plonger dans sa chair. Pauvre Julien. Hop, hop, hardi, maître Loïs. Sur la plateforme, il y avait maintenant grande foule. Grande foule autour de M. Hugh de Morvert, qui était agenouillé sur la pierre et qui levait au ciel ses mains tremblantes. On suivait du regard la course d'Aubry. Arriverait-il à temps? Jeannin se demandait. Mais pourquoi le chevalier et la demoiselle restent-ils immobiles, si près de la mer qui monte? Il prit le tube à son tour et devint plus pâle qu'un mort. « Ils sont enlisés, » balbutia-t-il. « Le chevalier a du sable jusqu'à la ceinture, et demoiselle reine disparaît, disparaît. » La cloche du monastère tinta le glas. Une voix tomba des galeries supérieures. Cette voix disait « Il y a 2 malheureuses en détresse dans les tangues. Priez pour ceux qui vont mourir. » Chapitre 33. Les Lises. Quand le brouillard avait enfin cédé la place au clair rayon du soleil de juin, le chevalier Méloire s'était trouvé seul aux environs de la rivière de Couesnon, à 2 lieues au moins de la terre ferme. Ce que son escorte était devenu, le chevalier Méloire ne le savait point. Il était de terrible humeur. Quelque chose comme un remords grondait au fond de sa conscience, car rien n'appelle si bien le remords que l'insuccès. Or, le chevalier Méloire était un homme trop sage pour ne pas s'avouer qu'il avait échoué honteusement. Siège et chasse avaient eu un résultat pareil. « Sarpebleu, comme il disait le bon Méloire, damner son âme encore pas s'il s'agit d'un bon prix, mais se donner à Satan gratis qu'à l'école, et que ce maître Satan devait bien rire. » En vérité, dans ce moment de fatigue et de défaite, sa philosophie fléchissait. Il n'était pas très éloigné d'avouer sa faute et de dire son mea culpa, d'autant qu'il pensait à l'avenir, où il voyait des nuages formidables. L'occasion était manquée, un crime qui n'a pas réussi se punit double, et c'est bien fait. Hélas, hélas, tout n'est donc pas rose dans la vie d'un brave homme qui veut la tranquillité pour ses vieux jours, un ou 2 manoirs, quelques rentes, une femme à son gré, laurea mediocritas enfin, et qui dévie un peu de la ligne droite pour atteindre ce joyeux résultat. Hélas, il y a tant de coquins pourtant qui réussissent. Le ciel était injuste envers ce pauvre chevalier Méloire. Tout à coup, de l'autre côté du Couesnon, il aperçut 2 paysans qui cheminaient. Il s'était trop hâté de désespérer. L'un de ces paysans, en effet, avait une arbalète sur l'épaule, et l'autre portait un costume qui réveilla quelques vagues souvenirs dans l'esprit du chevalier Méloire. Une peau de mouton, nouée en écharpe, et qui semblait avoir fourni de longs services. Méloire se rappela ce jeune guide aux cheveux blonds qu'il avait interrogé en vain quelques jours auparavant, et que maître Vincent Guéfès voulait si bien pendre. Le pauvre enfant marchait avec peine, La fatigue paraissait l'accabler. Son compagnon et lui étaient évidemment des fugitifs du village de Saint-Jean-des-Grèves. Mais Loire songea qu'il pourrait le renseigner. Il leur ordonna d'arrêter. L'enfant à la peau de mouton et le paysan qui portait une arbalète n'eurent garde d'obéir. Ils pressèrent au contraire leur marche. Mais Loire choisit un endroit où le couénon étalait sur le sable, c'est-à-dire coulait sur une large surface, sans rive et à fleur de grève. Ces passages sont les gués les plus sûrs. Mais Loire lança son cheval. Le jeune garçon et son compagnon semblèrent se consulter. Le premier fit un geste de lassitude désespérée. Ils s'arrêtèrent. Le paysan banda son arbalète et se mit au devant du jeune garçon. « Que diable veut dire ceci ? » gronda Méloire. Puis il ajouta tout haut. « Bonnes gens, je ne vous ferai point de mal. » Un carreau d'acier vint frapper le front de son cheval qui se leva sur ses pieds de derrière et retomba, mort. « Maintenant fuyons !» s'écria Julien le Priol. « Ses armes le gênent, il ne nous atteindra pas. » Oh, certes, sans sa blessure, reine de Morvert, qui avait trompé naguère si longtemps la poursuite du petit Jeannin, reine eût échappé en se jouant au chevalier Méloire. Mais elle souffrait cruellement, mais elle était accablée. Elle essaya de suivre Julien, elle ne put et s'affaissa sur le sable. « Sarpebleu !» s'écria Méloire, exaspéré. « Est-ce comme cela, manant endiablé ? Dix drôles comme toi ne payeraient pas mon bon cheval, attends !» Il prit son élan et vint l'épée haute sur Julien. C'était à ce moment qu'Aubry de Kergariou mettait l'œil au télescope élémentaire fabriqué par messire Jean Conneau, prieur des moines et amateur de physique. Julien attendit le chevalier de pied ferme et le blessa d'un second coup d'arbalète. Mais il n'avait que son couteau court pour détourner la longue épée de Méloire. Il fut renversé du premier choc. « Adieu, mademoiselle reine, dit-il en mourant. Que Dieu vous protège. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. » « Reine !» s'écria Méloire, qui n'en pouvait croire ses oreilles. Il regarda le prétendu jeune garçon et reconnut en effet la fille de Morvert. « Oh, oh » dit-il, « voilà donc pourquoi ce rustre prétendait résister à un chevalier. »« Damoiselle » ajouta-t-il en s'inclinant courtoisement, « vous ne faites que changer de serviteur. » En ce moment, Aubry entrait en grève, monté sur le cheval du sire de Ligneville. Maître Loïs volait le ventre sur le sable. Vers le nord-ouest, la ligne bleue courait aussi. Elle galopait. C'était la mer. Le chevalier Méloire s'était approché de Rennes et cherchait à la relever. Bien qu'il ne connût pas exactement les dangers de ces grèves, il ne pouvait pas manquer de voir et d'entendre la mer. Rennes était presque évanouie. Le chevalier, dans les efforts qu'il fit pour la remettre debout, ne s'aperçut point d'abord que la tangue cédait sous ses pieds. Il était armé lourdement. Quand il s'en aperçut, le sable humide touchait les agrafes de ses genouillères. Il lâcha Rennes et voulut se dégager. Comme il arrive toujours, ses efforts ne servirent qu'à creuser davantage le trou qui allait être son tombeau. Il vit le sable au-dessus de ses genoux et devint livide. « Est-ce qu'il me faudra mourir ici » pensa-t-il tout haut. Rennes l'entendit. Elle se redressa, galvanisée. Couchée comme elle l'était, et occupant une grande surface, son poids avait à peine attaqué le sable. Pour se lever et s'enfuir, elle n'avait qu'un effort à faire, car ses pieds n'étaient point emprisonnés comme ceux du chevalier dans la tangue lourde et molle. L'espoir lui monta au cœur avec violence. La pensée d'Aubry, qui tout à l'heure la navrait, vint lui donner une force nouvelle. Elle jeta un coup d'œil sur Méloire qui s'enfonçait à vue d'œil. « Je ne peux pas le sauver, » murmura-t-elle. Et sa belle main blanche s'appuya sur le sable pour aider le mouvement de son corps. Mais une autre main, une main de fer, se referma sur sa belle main blanche. Méloire avait aux lèvres un sourire sinistre. Il dit « Ceci est notre couche nuptiale, reine de Morvert, » dit-il. « J'avais juré que tu serais ma femme. » Reine poussa un cri d'horreur. Ce fut en ce moment que, du haut des galeries supérieures, une voix tomba sur la plateforme du monastère et dit « Priez pour ceux qui vont mourir ». Sur la plateforme, tout le monde s'était agenouillé, le glas tinta, le vieux Morvert, plus pâle qu'un mort, mais les yeux secs et la voix ferme, répondait l'oraison dite par les moines pour les condamnés du Periculum Maris. Jeannin, Simonette, son père et les autres vassaux de Morvert pleuraient silencieusement. Au nord-ouest, la grande ligne bleue avançait, étincelante, sous les rayons du soleil. Le cheval d'Aubry dévorait les sables, précédé toujours par maître Loïs, le grand lévrier noir. Qui de la mer ou du cavalier, de la mort ou de la vie, allait arriver le premier? Rennes n'avait poussé qu'un cri, puis sa charmante tête blonde s'était renversée, tandis que ses grands yeux bleus se tournaient vers le ciel. Elle aussi priait. Elle priait pour son père et pour Aubry avant de prier pour elle-même. Méloire la couvrait d'un regard de damnée. Méloire avait du sable au-dessus de la ceinture. Une fois, le vent apporta le son lointain de la cloche de Saint-Michel. Méloire sourit. Rennes détourna la tête. Elle jeta un regard aux rives bretonnes. Un léger renflement du terrain lui indiqua le lieu où le manoir de Saint-Jean-des-Grèves se cachait derrière les arbres. C'était là que son enfance heureuse s'était écoulée. C'était là qu'elle avait vu Aubry pour la première fois. « Vous pensez à lui, damoiselle ?» dit Méloire, qui voulait railler, mais dont les dents grinçaient. « Pensez à Dieu !» répliqua la jeune fille, sereine et calme, en face de la dernière heure. On entendait le sourd grondement du flot. Méloire avait du sable jusqu'au sein. Sa main de fer se rivait sur le bras de Rennes. Il tourna la tête tout à coup à un bruit qui se faisait. Maître Loïs bondissait dans le cours du Couesnon où était déjà la mer. Et Aubry était derrière Maître Loïs. « Aubry, Aubry, à moi !» cria Rennes. Par un effort désespéré, Méloire essaya de l'attirer à lui. Ses yeux hagards disaient quel était son dessein horrible. La vengeance qui lui échappait, il voulait la ressaisir et jeter à son rival vainqueur un cadavre pour fiancé. « À moi, Aubry, à moi !» répéta la jeune fille qui résistait, mais qui se sentait entraînée invinciblement. « Je ne mourrai pas seule !» cria Méloire. Au moment où son autre main allait toucher le col de Rennes, Aubry passa plus rapide qu'une flèche. Sa lance avait traversé de part en part la gorge de Méloire. Méloire blasphéma et lâcha prise. Le sable cacha sa blessure. Il n'avait plus que la tête au-dessus de la tangue. Et la mer mouillait déjà les vêtements de Rennes qui, elle aussi, s'enlisait lentement. Aubry sauta sur le sable et mit sa lance en travers pour assurer ses pieds. « Tu n'auras pas le temps, » dit Méloire en souriant au flot qui vint lui baigner le visage. Un visage de réprouvé. Le cheval, dès qu'il sentit l'eau à ses pieds, souffla et mit le nez au vent, cherchant la direction de sa fuite. Aubry se sentit défaillir, car l'imagination ne peut rêver un danger plus terrible et plus prochain que celui qui l'écrasait de toutes parts. Si le cheval partait, Rennes était perdue sans ressources. Aubry la quitta, saisit la bride du cheval et la mit dans la gueule de Maître Loïs en commandant « Ne bouge pas !» Le cheval révolté fit un bond. « Hop, hop !» cria Méloire d'une voix étranglée et mourante. Maître Loïs se pendit à la bride. Le flot passa par-dessus la tête de Méloire. Aubry tenait Rennes dans ses bras, il sauta en selle avec son fardeau, et Maître Loïs de bondir, fou de joie, dans la mer montante. « Hop, hop !» cria Aubry à son tour. L'eau jaillit sous le sabot du bon cheval. Du chevalier Méloire, il n'était plus question. Son dernier soupir mit une bulle d'air à la surface du flot. La bulle creva. Ce fut tout. Rennes souriait dans les bras de son fiancé. Elle remerciait Dieu, ardemment. Sauvée, sauvée par Aubry, deux immenses joies. Sur la plateforme de Saint-Michel, M. Hugh de Morvert remerciait Dieu lui aussi, car grâce à la lunette miraculeuse, il assistait réellement à ce drame lointain et rapide que nous venons de dénouer. Pas par ses yeux à lui, les larmes l'aveuglaient, mais par les yeux du petit Jeannin qui avait saisi d'autorité le tube de messer Jean Conneau et qui ne l'eût pas cédé au roi de France en personne. Le petit Jeannin avait dit toutes les péripéties de la course et de la lutte. Seigneur Jésus, au moment où les doigts crispés du réprouvé avaient touché le cou de la pauvre reine, le petit Jeannin avait failli tomber à la renverse. Mais la lance d'Aubry, oh, le bon coup de lance, et le lévrier noir qui tenait dans sa gueule la bride du cheval, c'était cela un chien. Frère Bruno se disait, le matois, en l'an 50, le lévrier de messire Aubry, qui est plus avisé que bien des chrétiens, etc., etc. une histoire de plus enfin dans le grenier d'abondance de sa mémoire. Et à mesure que le petit Jeannin parlait, l'assistance écoutait, bouche béante. Quand Reine et Aubry furent en selle, ce fut un long cri de joie. Jeannin trépignait et la fièvre le prenait, car un ennemi restait à combattre. La mère. « Oh !» disait-il, comme si Aubry eût pu l'entendre. « À droite, messire, à droite, au nom de Dieu ! Devant vous est le fond de Courtil. Saint-Jésus, le chien a deviné. Il tourne à droite. « Allons, vous autres !» reprenait-il, en s'adressant à l'assistance. « Un navet, vite, vite, pour qu'il passe l'hélice du Haut-Méné. Mais vous n'aurez pas le temps. Oh, le brave chien ! Il est conduit tout droit, comme s'il avait pêché des coques toute sa vie dans les tangues. Tenez, tenez, les voilà qui sortent du flot. S'ils peuvent tourner la mare d'Anguille, tout est dit. Bonne Vierge, bonne Vierge, le flot les reprend. Mais piquez donc, messire Aubry, de l'éperon, de l'éperon !» Il essuya la sueur de son front. « Eh bien, enfant, murmura Morvert qui ne respirait plus. Jeannin fut une seconde avant de répondre, puis il quitta la lunette et se prit à cabrioler comme un fou sur la plateforme. « La mare est tournée, dit-il. Oh, le brave chien, maintenant, vous pouvez bien aller à l'église remercier le bon Dieu. » Une demi-heure après, Reine était sur le sein de son père. Petit Jeannin embrassa Maître Loïs d'importance et lui jura une éternelle amitié. « Voilà qui est bien, dit le frère Bruno, tout le monde est content excepté moi. Messire Aubry sera chevalier et Peau de Mouton sera écuyer de Messire Aubry. Que demandes-tu ? S'écria M. U, qui avait ses lèvres sur le front de Rennes. « Tu es un vaillant homme !»« Je ne suis qu'un pauvre moine, messire, et cela me rappelle l'aventure de Dominoc, le fou acier du Vieux-Bourg, qui chantait à sa femme Francine Aurin, la cousine du petit tienné de la ferme brûlée, qui avait les yeux en croix comme Barabbas, qui lui chantait « Mais ne vous fâchez pas, messire, je fais réflexion que vous n'aimez point les histoires et je ne vous dirai pas ce que Dominoc chantait à sa femme. » Seulement pour le silence rigoureux que j'ai gardé depuis 24 heures, je vous prie d'intercéder auprès de messer Jean Conneau afin qu'il me tienne quitte de la discipline. » Frère Bruno eut sa grâce. En montant l'escalier de l'infirmerie, il se disait « Je me suis bien battu pour un seul bras cassé. Saint-Michel-Archange, la bonne nuit. Si on avait pu compter par-ci par-là une petite aventure, je dis que la fête n'aurait pas eu sa pareille. » Et cela me fait souvenir de l'histoire d'Olivier Giquel, le bossu de Plestin, que je vais narrer par le menu aux frères infirmiers pour me refaire un peu la langue. Épilogue, le repentir. Le 18 juillet de l'an 1450, vers 9 heures du matin, une cavalcade suivait la route d'Anceny à Nantes, le long des bords de la Loire. Il faisait un temps sombre et pluvieux. La magnifique rivière coulait, morne et sans reflet, sous le ciel noir. La cavalcade se composait d'un chevalier, d'un homme d'armes et d'une jeune dame. Quelques gens de service suivaient. Quand la cavalcade arriva aux portes de Nantes, les gardes inclinèrent leur hallebarde, avec respect, devant le chevalier qui était d'un grand âge. La cavalcade passant, les gardes se dirent « Voici M. U de Morvert qui vient prendre sa revanche contre le duc François. » Et le moment était bien favorable en vérité. Le duc François se mourait d'un mal inconnu dont les premières atteintes s'étaient déclarées en la ville d'Avranches, le soir du service funèbre célébré dans la basilique du Mont-Saint-Michel pour le repos et le salut de l'âme de M. Gilles de Bretagne. Le 6 juin de la même année de grâce, 40 jours en 100. Le duc François avait tenu cour plus brillante que jamais prince breton. Mais par la ville, on disait que la cour du duc François entourait maintenant M. Pierre de Bretagne, son frère et son successeur. Quelques vieux serviteurs restaient auprès du lit où le malheureux souverain se mourait avec Madame Isabelle d'Écosse, sa femme et ses deux filles. Par la ville, on disait encore que le doigt de Dieu était là. Devant la justice du châtiment, l'ingratitude des courtisans disparaissait aux yeux de la foule. Nantes était alors la capitale de ce rude et vaillant pays qui gardait son indépendance entre deux empires ennemis, la France et l'Angleterre. Nantes était une ville noble, mirant dans la Loire ses pignons gothiques et fière d'être reine parmi les cités bretonnes. La cavalcade allait sous la pluie dans les rues bordées de riches demeures. Monsieur Pierre de Bretagne habitait l'hôtel de Richemont, ancien fief de son frère Gilles. À la porte de l'hôtel, il y avait foule d'hommes d'armes et de seigneurs qui se tournaient, comme il convient à la sagesse humaine, du côté du soleil levant. Hommes d'armes et seigneurs se dirent aussi, en voyant passer la cavalcade, « Voici Monsieur Hugues de Morvers qui vient prendre sa revanche contre le duc François. Et n'était-ce pas justice ?» Le duc François l'avait traqué comme une bête fauve. Le duc François avait mis sa tête à prix. La ville était triste. Les ruisseaux fangeux roulaient à flot, une eau grisâtre. Les murs des maisons, détrempés par la pluie, donnaient aux rues un aspect lugubre. Les cloches de la cathédrale tintaient un carillon à basse volée qui prolongeait ses vibrations monotones et funèbres. À peine voyait-on, à de larges intervalles, un pauvre homme ou un bourgeois emmitouflé se risquer sur le pavé mouillé. Mais, sur le pas des portes et sous les porches, les commérages allaient leur train, et partout on entendait comme si ça avait été les paroles de ce chant dolent, radoté par les cloches. « Le duc se meurt, le duc se meurt !» Monsieur Hugues pressait la marche de sa monture. À ses côtés chevauchait Reine, qui était bien pâle encore de sa blessure, mais qui était belle comme les anges de Dieu. Aubry suivait Reine. À deux jours de là, l'église d'Avranches s'était illuminée pour une douce fête, le mariage d'Aubry de Kergariou avec Reine de Morvers. Mais la bénédiction nuptiale n'avait point été prononcée. Une heure avant la messe, un religieux du couvent de Dole avait dit à Monsieur Hugues « J'arrive de Bretagne. Notre Seigneur, le duc François, attend sa fin pour le 18e jour de juillet, terme de l'appel qui lui fut donné par vous, au nom de feu, son frère. Notre Seigneur souffre bien pour mourir. Ses amis l'ont abandonné. Sa dernière heure sera dure. » Monsieur Hugues ordonna qu'on éteignît les cierges et fit seller son cheval. « Enfant, dit-il à Reine et à Aubry, vous avez le temps d'être heureux. » Il partit, et il arrivait à Nantes juste le 18e jour de juillet, terme de l'appel. Il était 10 heures du matin quand la cavalcade passa devant le palais ducal. Monsieur Hugues mit pied à terre, au bas du perron, avec sa fille et Aubry de Kergariou. Il entra sans prononcer une parole, et prit tout droit le chemin connu de la chambre ducale. Sur les marches de l'escalier, où jadis sonnait, tout le jour durant, le pied de fer des sentinelles, il y avait un petit enfant qui pleurait. Le petit enfant pleurait parce que deux beaux chiens de cour, de ceux qu'on appelait Fidéliens, et dont les statues de marbre sont aux pieds des ducs de Bretagne, couchés sur leur tombeau, refusaient de jouer avec lui. Les deux chiens étaient étendus, le col allongé, la tête renversée, et hurlait plaintivement. Hugues de Morvers s'arrêta, son cœur se serrait. Cette solitude avait quelque chose de poignant et de terrible, pour l'homme qui avait vu à d'autres époques le palais ducal encombré d'or et d'acier retentir de bruits si joyeux. « Monseigneur le duc est-il en son réduit ordinaire ? Demanda-t-il à l'enfant. « Monseigneur le duc est à l'hôtel de Richemont, répondit celui-ci sans hésiter. Quand il va venir ici, les chiens sauteront et l'on pourra jouer. « Je parle du duc Pierre qui se porte bien, oui. « Le duc François est-il donc déjà mort ?« Oh non !» répliqua l'enfant avec un soupir. « On disait qu'il mourrait ce matin, mais il ne meurt pas encore. » Monsieur Hugues monta les degrés. Aubry et Reine le suivirent, la tête baissée. L'enfant disait « Oui, oui, le duc Pierre se porte bien. Il amènera des soudards, il leur donnera du vin. Les soudards chanteront, les chiens sauteront et l'on rira. » Tout ragaillardi par cette pensée, le blond chérubin fit la cabriole sur les dalles du vestibule et cria « Maître Guinguenet, as-tu bientôt fini de souder le cercueil ?» Maître Guinguenet était plombier juré de la cour. Monsieur Hugues le trouva sur le palier, soudant avec soin le cercueil où l'on allait mettre le duc François. Le duc François, de sa chambre, pouvait entendre le marteau de Maître Guinguenet, plombier de la cour. Monsieur Hugues poussa la porte des appartements. Les ducs de Bretagne étaient des souverains puissants, plus puissants que ces fameux ducs de Bourgogne, dont le roman historique et l'histoire romanesque ont enflé à l'envi l'importance. La cour de Bretagne était une des plus brillantes cours du monde. Ce palais silencieux et désert, où le plombier soudait sa boîte mortuaire en fredonnant, parler si haut des vanités humaines que toute réflexion serait superflue. Dans les appartements, ornés avec magnificence, il n'y avait personne. Seulement trois femmes priaient devant l'autel du petit oratoire gothique. C'était Isabelle d'Écosse, la duchesse régnante, et ses deux filles. Au bruit que firent en entrant M. U, Rennes et Aubry, Madame Isabelle se retourna. Elle laissa échapper un geste d'effroi. « Oh, Monsieur U, dit-elle en pleurant, c'est le 40e jour. Vous n'aurez pas besoin de répéter votre appel impitoyable. » Les deux jeunes filles se cachaient derrière leur mère. Cet homme était pour elles le messager de la colère de Dieu. U de Morvert prit la main de la duchesse et la baisa respectueusement. « Madame, répliqua-t-il, j'ai suivi les ordres de mon maître mourant. Maintenant, je suis l'ordre de Dieu, qui m'a dit par la voix de ma conscience, « Va vers ton Seigneur abandonné. Fais, avec ta famille, une cour à son agonie. » « Est-ce vrai cela, messire ? » s'écria Isabelle, qui se redressa. « Je suis bien vieux, madame, et je n'ai jamais menti. » Par un mouvement plus rapide que la pensée, la duchesse, se baissant à son tour, mit ses lèvres sur la rude main du chevalier. « Allez, allez, dit-elle, notre Seigneur a grand besoin d'aide à l'heure de sa mort. » Dans la pièce qui précédait la retraite du malade, Jacques Huiron, médecin, composait des vers latins en l'honneur de Françoise d'Amboise, femme du duc Pierre. « Il en a bien encore pour une heure avant de trépasser, grommela-t-il, c'est long. La fin de l'hexamètre est évidemment Francesca Coronam, Francesca Coronam. » Tout le monde s'appelle Françoise, Françoise de Dinan, Françoise d'Amboise, Françoise la Chantepie, c'est égal. Ilie ego qui medicus primum, Francesca coronam, carmine cantabam. C'est contourné, subtil, joli. Je suis, ô Françoise, le premier médecin dont les vers aient chanté votre couronne. Francesca coronam, ca, co, enfin n'importe. Monsieur U, Aubry et Rennes étaient auprès du lit de leur souverain. François ouvrit les yeux, son meilleur ami ne l'eût pas reconnu. « Gilles, mon frère, prononça-t-il d'une voix brève et haletante, c'est à l'heure de midi que votre appel me fut dénoncé. À l'heure de midi, je serai à votre face, sous la main de notre Seigneur Dieu. » Aubry et Rennes s'agenouillèrent, Monsieur U resta debout. « Gilles, mon frère, reprit le moribond, je te le jure sur le restant d'espoir que je garde de fléchir la justice divine. Je t'aimais. Ce sont les méchants conseillers qui m'ont perdu. Olivier de Mael, Arthur de Montauban, et d'autres, car ils fourmillent autour des princes. Holà ! S'écria-t-il en apercevant Monsieur U, garde, à moi ! Monsieur U inclinait en silence sa tête vénérable. François tremblait, ses draps se mouillaient de sueur. Que veux-tu ? Murmura-t-il. « Faire hommage à mon Seigneur, répondit Morvert, et lui apporter ma vie. » François se souleva sur le coude. « Je te connais, tu es un chrétien et un chevalier. Tu ne mens pas à toi. Parle-moi de mon frère. » « Je vous parlerai de vous, s'il vous plaît, mon Seigneur, et de la miséricorde infinie du ciel. » « Approche, dit le duc avec brusquerie. Quand je vais mourir, veux-tu sauver mon âme ? » « Oui, sur le salut de la mienne. » « Donne-moi ta main. » Morvert obéit. Les doigts de François étaient de marbre. « Qui est ce jeune soldat ? » demanda-t-il en regardant Aubry. Puis, avant qu'on eût le temps de lui répondre, il ajouta en fronçant le sourcil. « Je le reconnais, je le reconnais. J'entends encore le bruit de son épée tombant sur les dalles de la basilique. C'est le premier qui m'est abandonné. »« C'est le dernier qui vous abandonnera, monseigneur, » murmura Rennes doucement. Aubry avait la main sur son cœur, il ne répondit point. « Lève-toi, » lui dit le duc. Aubry se leva. « De par Dieu et Monsieur Saint-Michel, » reprit le mourant, « je te fais chevalier, Aubry de Kergariou. » « Monseigneur, » voulut s'écrier Aubry, « silence, soulève cette draperie qui est au-dessus du prie-Dieu. » Le rideau glissa sur sa tringle, et l'on vit le portrait en pied de Gilles de Bretagne, en costume de guerre. Le duc fit le signe de la croix. Tout le monde restait muet. « Écoute-moi, messire Hugues, » dit le duc, dont la voix s'affermit. « Il t'aimait parce que tu l'aimais. Quand mon dernier souffle s'arrêtera sur ma lèvre, et ce sera bientôt, va, tu iras à ce portrait, tu diras, « Gilles de Bretagne, au nom de Dieu, Je t'adjure de pardonner à ton frère. Le feras-tu ? Je le ferai. François remit sa tête sur l'oreiller. Reine lui passa au cou son reliquaire. Monsieur Hue et Aubry priaient à haute voix. Les prêtres vinrent, puis le médecin qui cherchait son second distique, puis la duchesse Isabelle avec ses deux enfants. Au premier coup de midi, François poussa un long soupir. « Gilles de Bretagne, prononça Morvert avec force, au nom de Dieu, je t'adjure de pardonner à ton frère. » Le mort eut comme un sourire. On disait, aux abords de l'hôtel de Richemont, « Monsieur Hue aura ce qu'il voudra du duc Pierre. » Mais Monsieur Hue ne voulait rien. 3 jours après, reine de Morvert était dame de Kergariou. Le festin de noces eut lieu au manoir de Saint-Jean, dans cette salle où la fée des grèves avait enlevé l'escarcelle du chevalier Méloire, entourée de ses hommes d'armes. Simonette devint le même jour la femme du petit Jeannin, et le frère Bruno fut de la noce par licence spéciale. Cela lui rappela tant et tant de bonnes aventures que les oreilles des convives en tintaient encore au bout de 2 semaines. Fin de la section 11. Fin de La fée des grèves par Paul Féval, père.